en dehors du travail, comment occupons-nous notre temps libre? Édouard Le Cerf est directeur général adjoint de l'Institut de sondage Ipsos et il nous fait part du résultat de l'enquête comparative entre Européens, Japonais et Américains. On s'aperçoit aujourd'hui que l'on habite en Europe, au Japon, aux États-Unis, on passe, ou on déclare, le même temps passé à faire des tâches très communes. On passe le même temps à se rendre à son travail, environ 30 minutes. On passe le même temps à lire. On dit qu'on passe à peu près une heure à lire chaque jour, ce qui est peut-être un peu plus que la réalité. On passe à peu près le même temps à regarder la télévision, à peu près le même temps à faire les courses. Ça, ce sont des choses qui sont finalement, avec les vraies différences culturelles qu'il y a entre ces pays ou ces continents, des choses qui, aujourd'hui, sont similaires. Et puis, il y a encore de vraies différences, des différences culturelles. Les différences culturelles, on les retrouve, par exemple, sur le temps passé à faire du sport. Les Japonais disent pratiquer beaucoup plus le sport. Alors, peut-être que la pratique du sport, effectivement, est mieux intégrée dans les entreprises, est plus complètement intégrée dans une journée de travail, et donc leur permet de dire qu'ils y passent plus de temps. Ils passent plus de temps aussi, les Japonais, nous disent-ils, à faire leur toilette. On est à peu près à 40 minutes aux États-Unis et en Europe, on est à près d'une heure au Japon. Mais là aussi, impact culturel. Le bain, le fait de prendre son bain ensemble, en famille, etc., est quelque chose qui est toujours très important et qui est marqué, ce qui explique cette différence dans la déclaration. Et puis, il y a d'autres différences, par exemple, sur le fait de s'occuper des enfants. Les Américains ont sans doute à la fois le sentiment et la réalité de s'occuper toujours de leurs enfants.